Science et QFD, Natacha Trioux. Ethnologue, géographe, explorateur, écrivain, éditeur et passeur de science, Jean Mallory est décédé le 5 février dernier. Ses obsèques ont lieu ce matin. Nous lui rendons hommage. J'ai recherché toute ma vie ce lieu. Ce lieu, c'est le Nord. Là, j'ai pu architecturer ma pensée, je dirais même ma famille. C'est avec ces mots que Jean Mallory parle du Groenland et de son peuple, les Inuits. Ils l'ont surnommé l'homme qui parle avec les pierres, car pour lui, la géologie explique la population. La pierre mène à l'homme. Avec ses 31 missions polaires, il a été le témoin des bouleversements du Groenland et a passé sa vie à défendre le peuple le plus au nord du monde. Jean Mallory, un homme en or. Giulia Boglio-Bruna, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropogéographe et ethno-historienne, ancienne membre du Centre d'études arctiques fondé par Jean Mallory en 1957, fermé depuis 2007, et vous êtes aussi membre de la Société de géographie française et de la Société de géographie italienne. Yann Borm, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature anglaise à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous y dirigez l'Institut de recherche arctique Jean Mallory Monaco UVSQ et que vous avez fondé avec Jean Mallory lui-même. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous à toute heure en podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas à nous suivre sur X, anciennement Twitter. Vous y trouverez plein de ressources complémentaires et notre live tweet qui commence tout de suite, c'est sur notre fil à Science CQFD. Alors quelle est l'importance de ces travaux tant sur la géomorphologie que sur l'ethnologie? Comment ont-ils contribué à nous faire voir différemment cette région ainsi que son peuple? Et pourquoi Jean Mallory considérait que les Inuits seront nos éclaireurs? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais pour commencer, on l'écoute avec cette archive de 1970. La situation dans le monde nord-américain et groenlandais a été très récemment observée, examinée, scrutée par un congrès international dans la ville du Havre. Et je dois dire que les réponses sont très pessimistes. Elles sont pessimistes car il apparaît que ces sociétés esquimaudes, autonomes et responsables, risquent à très brève échéance aussi bien la dégradation que l'assimilation. Chacun sait que dans l'Alaska du Nord, des recherches pétrolières ont été couronnées de succès, en particulier dans la baie de Prudhoe. Dans le Nord canadien, des ressources non moins importantes sont sur le point d'être découvertes. Chacun sait aussi que dans l'Amérique du Nord, et plus particulièrement dans ces régions arctiques, les Esquimaux ne disposent pas d'un droit du sol, c'est-à-dire que ces richesses pétrolières risquent de leur échapper. Si nous nous en tenons au Groenland, le plan de développement accéléré de l'industrie morutière ne pourra que précipiter une évolution assimilatrice. Et dans son ensemble, il apparaît qu'au Canada, en Alaska et au Groenland, les populations esquimaudes et indiennes risquent à très brève échéance d'être américanisées et danisées. Voilà la voix de Jean Mallory en 1970 dans l'émission Heure de culture française. On entend déjà le Mallory, lanceur d'alerte sur les sociétés esquimaudes. Yann Borm, pourquoi s'est-il tant attaché à ce peuple ? Il disait souvent que ce sont ses maîtres penseurs en fait et qu'il est allé à l'école inuite. Donc à partir de cette expérience l'hiver 1950-51 où il a mis du temps à être accepté par le groupe, ce qu'il a seulement raconté récemment dans la bande dessinée notamment. Donc après la traversée du trou noir comme il disait, de 2 mois de dépression et de rapprochement avec les Inuits, il a été finalement accepté par le groupe après une folle excursion en traînant un chien en solitaire qu'il a réussi. Et donc il parlait à ce moment-là d'une sorte d'agrégation réussie, voilà, auprès des Inuits. Et donc il a toujours répété qu'il est allé à l'école inuite et que les Inuits étaient ses véritables maîtres penseurs. Oui, alors en effet, le 29 mai 1951, à 29 ans, le premier Européen à atteindre le pôle Nord géomagnétique avec 2 traîneaux à chien. On y reviendra dans quelques instants. Giulia Boglio-Bruna, une réaction vous aussi à cette archive de 1970? Alors, moi, j'aimerais faire une petite anamnèse, vous voyez, rapidement. Alors, Jean Mallory, tout jeune, alors, il a cette tu as envie d'aller vers le nord, ce qu'il appelle l'appel du nord. Il est tout jeune et il y a la traversée du Rhin qu'il décrit très bien avec son père, ce glaçon, ce froid et les larmes qui deviennent comme des glaçons. Et en même temps, par son érudition et par ce que la famille, le père qui était historien, la mère qui était une femme très cultivée, lui transmettent, c'est par les mythes du Grand Nord, c'est-à-dire par la mythologie, l'héritage mythologique gréco-romain et aussi la cartographie de la Renaissance. Alors, la cartographie de la Renaissance, le Nord, c'est un espace transphysique et transphysique. C'est une immanence transcendante. Et vous avez une juxtaposition entre les données empiriques, c'est-à-dire les voyages de Frobisher, de Davis, etc., réels. Et après, vous avez tout un imaginaire qui se met en place. Donc, ils ont les hyperboréennes qui sont béati, au terme latin, qui sont félis, heureux, parce qu'ils ont cette immortalité. Et il y a une rupes nigra et altissima. Je fais référence à la carte de Mercator. Nous sommes 1565 pour l'autre édition. Et donc, vous avez tout ce monde-là qui est un monde qui fascine Mallory. Mais qu'est-ce qu'il met la dynamique? Pourquoi il va au nord? Parce que Mallory, c'est un homme qui a su résister. C'est un homme qui a su dire non. C'est l'homme qui n'a souhaité pas répondre au service de travail obligatoire, qui a dit que c'était quelque chose de honteux. Et donc, il fallait quand même aller se ressourcer ailleurs. Et il s'est ressourcé dans le Grand Nord. Et là, il a trouvé sa famille de glace, sa deuxième université. Pas seulement une famille, parce qu'il était orphelin de mère et de père, mais il a trouvé des gens qui avaient une forme de connaissance autre de la nature. Et en effet, Mallory, pendant la Seconde Guerre, rentre dans la Résistance. Il a d'ailleurs publié Oser la Résistance aux éditions du CNRS. Yann Born, pour ces éléments biographiques qui viennent d'être introduits, en effet, il est né le 22 décembre 1922 à Mayence, en Allemagne. Et ça vient de là, cet appel du Nord. C'est ce qu'il a dit, oui, effectivement. Donc, il est né à Mayence pendant la période d'occupation de la Rhénanie par la France, après la Première Guerre mondiale. Son père était officier et professeur d'histoire au lycée de Mayence. Et donc, il a passé les 8 premières années de sa vie en Rhénanie. Il a souvent parlé de cette expérience comme étant très gaie pour lui. Il a beaucoup apprécié. Il a été d'ailleurs, il a passé du temps aussi dans la forêt noire et donc il a été exposé aux contes de Grimm, à la mythologie du Nord aussi, et tout ça l'a sans doute très fortement marqué. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on parlait avec lui, et tous ses lecteurs savent qu'il admire les phrases un peu longues, et il y a peut-être eu une influence là quelque part, tout comme les adjectifs qu'il plaçait volontiers devant le nom. De façon assez régulière. Donc, en tout cas, il m'a toujours dit qu'il a été très fortement marqué par la pensée allemande, et également la poésie, Heinrich Heine, etc., les romantiques. Et donc, tout ça a créé un univers nordique, si vous voulez. Et cet épisode du Rhin gelé en 1929, qu'il a traversé donc avec son papa, l'a effectivement marqué, comme il l'a répété souvent. Alors, en 1948, il participe aux premières expéditions polaires de Paul-Émile Victor. Ça, c'est la première fois qu'il voit les côtes groenlandaises. Si vous permettez, je souhaiterais ajouter un petit mot. C'est-à-dire, Mallory, c'est un savant. Il est inclassable, il est éclectique, il est anticonformiste. Et c'est l'homme qui a su dire non. Il a dit, par rapport au service de travail obligatoire, il a souhaité quand même oser et résister tout au long de sa vie. C'est un humaniste dans la lignée de Cicéron, dans la lignée des philosophes de la Renaissance, des Lumières. Donc, pour Jean Mallory, pour comprendre Jean Mallory, il faut penser qu'il part à la recherche de soi-même. Il est pauvre, il n'a pas de moyens, il n'est pas aidé, il va au Grand Nord, avant et ailleurs. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il a fait qui est émerveillé? Parce que la première forme de connaissance, c'est l'émerveillement. Bon, c'est la beauté. C'est la beauté qui m'a retenu. C'est Skansen. Et après, je dirais, cette première impression, sensation, ben, il y a la volonté, c'est un géomorphologue, il doit étudier la géomorphologie, les pierres, le cycle de la vie des pierres, les éboulis. Et il deviendra éboulologue. Éboulologue, ça signifie quoi? Celui qui étudie les éboulis. Je ne sais pas si vous voulez que je vous explique qu'est-ce qu'ils sont les éboulis, mais de toute façon, de la roche mère, ils se détachent de roches éboulées. C'est par la loi de gravité, mais par le poids et le frottement aussi. Et après, ils forment une espèce de monticule à forme de cône qui s'appelle éboulis. C'est à partir de ce quelle est l'idée géniale de Mallory dont le professeur Smiraglia de l'Université de Rome a rendu hommage, c'est qu'il y a une forme des cycles de vie. Il y a le gel et il y a le dégel. Mais le tout est conservatoire. Donc, à partir de ce moment-là, Mallory arrive à la conclusion, par toute une série d'expériences de travail sur le terrain, mais aussi des expériences en laboratoire à Paris, que l'Arctique est métamorphique, la nature, mais conservatrice. C'est le grand acquis de Mallory. C'est ça, c'est qu'au départ, Mallory, c'est donc ce géomorphologue qui étudie donc la forme du relief terrestre, Jan Borm, et sa découverte, les éboulis arctiques sont stratés, c'est un des grands apports dans la compréhension de ces écosystèmes de haute latitude dans ces régions-là. Ah oui, il faut peut-être revenir un peu sur le parcours. Donc, après la guerre, il entreprend des études de géographie, et il a un professeur très distingué qui est Emmanuel de Marton, qui à un moment donné lui aurait dit « Écoutez Mallory, je vous vois pas en professeur des écoles, passer l'agrégation et enseigner aux jeunes. Là, il y a la possibilité de partir avec les expéditions polaires françaises. Il cherche un géographe et je peux vous recommander. Est-ce que ça vous dit ?» Il a évidemment réagi positivement en disant « Oui, c'est une opportunité fantastique. » Donc il accepte. Alors, il commence à travailler en équipe avec André Descailleux, qui était très connu également à l'époque, et d'autres collègues, mais il quitte assez rapidement les expéditions pour travailler en solitaire, ce qui lui ressemble bien d'ailleurs. Et le premier travail scientifique en vue d'une thèse d'État, donc je ne sais pas si les auditeurs s'en souviennent, une thèse d'État, c'était un monument de la recherche de plusieurs centaines de pages qu'on rédigeait pendant des années. Il fallait deux volumes, thèse principale, une thèse secondaire. On reparlera de la thèse secondaire sans doute tout à l'heure. Et donc, il commence un vaste programme d'études en voulant comparer, en fait, les éboulis dans des milieux chauds et des milieux froids. Donc, il part aussi au Gard. Et il travaille donc sur l'île de Disco, dans un endroit qui s'appelle Skansen, avec l'aide d'un jeune Grenlandais, Peter Geisler, dont j'ai d'ailleurs rencontré récemment la petite fille. Et on reparlera peut-être de Geisler tout à l'heure, voilà. Mais c'est comme ça qu'il s'engage dans ces travaux géomorphologiques, qui sont accompagnés également par des travaux cartographiques. Donc, la fameuse expédition avec deux couples inuits dans le nord-ouest grenlandais à partir de Thule, au cours de l'hiver 50-51, avait pour but de cartographier certaines parties de la terre d'Inglefield et la terre de Washington. Et il faut s'en souvenir, il a été autorisé par le gouvernement danois de donner une dizaine de noms à des endroits, donc il a choisi de donner quelques noms pour rendre hommage à ses maîtres, donc il y a un fjord de Marton et un fjord de Paris, mais également des noms autochtones, et ça c'est absolument capital. Il a dit il faut enfin rétablir les toponymes autochtones et rendre hommage aussi à ceux avec lesquels nous avons pu établir cette science, donc il a donné notamment le nom d'Utak, qui était le père et un grand chaman et compagnon de Piri, de Kutsikitsa, qui était son compagnon principal et dont le portrait figure sur les derniers rois Thule. Alors comment le contact avec les Inuits l'a ouvert à une perception différente du monde et de la nature? Restez avec nous, on répond à cette question dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Triot. En direct sur France Culture, avec Giulia Boglio-Bruna et Jan Borm, nous rendons hommage à un géant de l'ethnographie, Jean Mallory, qui est décédé le 5 février dernier. Nous venons de parler de Jean Mallory en tant que géomorphologie, de ses premières expéditions au Groenland. Il a donc quitté rapidement ses expéditions pour partir en solitaire. Jan Borm, c'est là qu'il rencontre donc les Inuits. Que raconte-t-il de ses premières rencontres? Alors, c'est raconté évidemment dans Les Derniers Mois de Tully, et puis repris, je l'ai dit, dans la bande dessinée, Mallory, l'appel de Tully. Les premiers moments sont difficiles. Il faut savoir qu'à l'époque, nous sommes dans le nord-ouest groenlandais. Alors, j'ai vu le télégramme, il a été autorisé à passer 6 semaines à Tully. Mais il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul bateau par an qui passe. Et évidemment, une fois le bateau parti, il n'y avait pas moyen de revenir. Donc, c'était clair qu'il était parti pour un an. À rester parmi ses compagnons, donc ça fait un groupe de 300 Inuit, comme on dit, appelés également les Esquimaux polaires. Et donc petit à petit, essayer de se rapprocher. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas de crédit CNRS, il n'avait pas de connaissances particulières, il ne pouvait pas conduire un traîneau à chien. Il était seul, et donc évidemment, les Inuits étaient un peu inquiets. Parce que c'était une responsabilité d'accueillir un homme comme ça pendant un an. Et on s'est demandé sans doute qu'est-ce qu'on allait faire avec lui. Et bon, il dit qu'il a été quand même présenté au grand Outak, qui lui a dit « je t'attendais ». Donc, il y avait quand même un contact, mais il fallait se rapprocher de la population petit à petit, et c'était pas facile. Donc, il raconte ça, il appelle ses 2 premiers mois son « trou noir ». Où il avait lui-même des doutes sur son entreprise. Qu'est-ce que je fais là? Je suis pas utile. Je n'ai pas de vivre. Comment je vais organiser mon expédition? Donc, l'expédition dont on parlait de cartographie, elle est partie sans vivre. Il fallait vivre de la chasse, ce qui comprenait des risques énormes. Le grand Knud Rasmussen lui-même, quand il est revenu de ses missions dans le nord groenlandais, il avait perdu un an parce que la chasse n'était pas favorable à un moment donné. Donc, c'était un risque énorme qu'il avait pris, sur un coup de tête presque. Julia Buglio-Bugna. Là, j'aimerais bien souligner un aspect qui est très important. Jean Mallory a une forme de mémoire proustienne. Il écrit un texte, après il revient, et sa mémoire devient de plus en plus aiguë. Donc, lire « Les derniers rois de Tully », et après, vous allez lire le dernier ouvrage de Mallory. Là, il y a toujours ce travail de la mémoire. Et d'une mémoire qui s'aiguise avec le temps. Parce que Mallory avait toute une série de carnets, de notes, etc., qu'il relit tout le temps, qu'il va réinterpréter, parce qu'entre-temps, lui, il a mûri une expérience. Or, quand le chaman Outaak lui dit, et je le cite, « Tu ne sais pas qui tu es. Nous allons te l'apprendre, et aussi qui nous sommes. Je t'attendais, tu parles avec les pierres, et je sens que tu seras notre ami. » Tout est dit. Tout est dit parce que Mallory, au contact avec les Inuits, il a une mue identitaire qui est graduelle, qui passe du trou noir à comprendre un peu comment les Inuits fonctionnent. Les Inuits sont exigeants parce qu'ils veulent que Jean Mallory relève le défi de sa vie. Et le défi de sa vie n'est pas seulement les études de géomorphologie, pas la cartographie. C'est très important parce que c'est un grand scientifique. Mais c'est de se trouver, de se connaître. Donc, l'expérience qu'on appelle l'inutilisation de la paix à l'homme, de l'homme au cosmos, fait si que Mallory, il dira, j'apprends chez les Inuits à regarder différemment la nature. Et il la regarde d'un regard qui est animiste. Pour faire vite, il chamanise avec les Inuits. Et c'est une philosophie qui va mélanger, qui va métisser, qui va enrichir avec sa propre culture. Vous voyez, et donc cette identité est très importante parce que c'est une identité comme pour tout le monde, qui n'est pas close sur elle-même, mais qui est évolutive. Et les maîtres sont les Inuits, sa deuxième université. Et justement, sur cet apprentissage, je vous propose une lecture, l'extrait du texte « Terre-mer » paru au CNRS Éditions en 2008. Le site d'Ultima Thule, son incomparable et puritaine beauté, la sévérité même de son climat extrême, puis peu à peu l'intimité avec les Inuits, allaient me transporter d'allégresse. Enfin, j'étais de retour, comme on dit en Occident, à la maison. Ma maison. En vérité, tout se passa et continue de se passer avec les Inuits, les Esquimaux polaires, comme si ce que j'avais cherché sans le savoir, avec tant d'obstination inconsciente, je l'avais déjà trouvé. Mon étude des pierres et des processus géodynamiques se transforma en un rite initiatique. Mon travail scientifique, poursuivi pendant plus de 10 ans sur ce sujet, s'avérait avoir un sens plus profond. Je découvrais peu à peu que la pierre, ses labyrinthes, son eau géologique, vieille de plusieurs millions d'années dans les roches ordoviciennes qui collent aux parois de la pierre et lui donnent une résonance singulière, était à la base même de la religion chamanique. Et toute la nature alentour venait me confirmer la réalité de cette philosophie du sacré. Dans cet extrait, comment on passe de l'étude des pierres à l'homme, comment un grand programme polaire n'est pas complet s'il n'y a pas l'étude de l'humain. Giulia Bogliobona, comment les Inuits ont appris à Jean Mallory à regarder différemment la nature? De quelle façon, plus précisément? Alors, Jean Mallory, pendant ses travaux de cartographe, était accompagné par des Inuits. Et les Inuits, alors il y avait un télescopage de regard, c'est-à-dire Jean Mallory regardez comment les Inuits parlaient de la nature, touchaient ces pierres, comment ils étaient intéressés à son travail. Et de l'autre côté, il y avait cette, je dirais, familiarité, forme de envie de lui apprendre à regarder différemment. C'est une forme de conversion du regard, c'est-à-dire il a regardé un géomorphologue, pas un visionnaire, hein, mais avec les Inuits qui lui ont appris que la nature n'est pas du chaos, est ordonnée, est organiciste, il y a un esprit de la matière. Et que donc tout ce parcours-là se résume à une adhésion à l'animisme, au chamanisme, qui est fondamental. Comment ils lui ont appris? Ils lui ont appris en disant que la pierre, et la pierre pense, la pierre parle. La pierre, parce que dans la vision inuite, l'homme n'est qu'une partie de la nature. Donc, leçon d'humilité, hein, c'est le contraire de la vision judéo-chrétienne. C'est pas l'homme dominateur, c'est l'homme qui a la conscience d'être une toute petite partie de la nature. Et cette nature, il faut apprendre à l'écouter. C'est pas à l'étudier, mais à entrer en résonance. Donc, la sensation, l'intuition, jusqu'à la préscience inspirée, devient les moyens par lesquels Mallory apprend à lire différemment les nervures de la pierre. Il y a les canicules, il y a l'eau géologique, mais il y a aussi cet esprit de la matière que Mallory interroge. Yann Born. On peut peut-être rappeler une anecdote qu'il aimait raconter. Pendant cette première période, il est sur la plage avec le chaman Outak et il touche une pierre, il veut jeter un galet, il lui dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Il dit « Mais j'ai rien fait. » Il dit « Mais si, tu as déplacé la pierre, qu'est-ce que tu as fait ?» Et il a dit que ça lui a complètement ouvert l'esprit. Évidemment, en tant que géomorphologue, il était intéressé par les canalicules, c'est-à-dire cette vie antérieure qu'il y avait dans les pierres. Mais là, je pense qu'il a commencé à établir un lien. Et ça l'a poussé. Il faut dire aussi qu'en tant que jeune homme, il était assoiffé de verticalité, on va dire. Il parlait souvent d'absolu, oui. Bien évidemment. Donc, il avait quand même rencontré, en tant que jeune homme, Pierre Teilhard de Chardin. Bien sûr. Dont j'ai d'ailleurs vu récemment chez lui encore la biographie publiée, avait lourdement annotée. Donc, c'est un très grand honneur pour lui. Et quelqu'un qui cherchait une autre spiritualité, peut-être, une autre expression. Du vertical, il disait à Henri IV, pendant la préparation des concours, il était certes passionné par la philosophie allemande et classique, mais il disait on n'enseignait rien sur le bouddhisme, rien sur Tao, il manquait quelque chose. Et lui trouve que la philosophie des Inuits, c'est-à-dire la pensée des Inuits, c'est une pensée majeure. C'est comme Boris Vildé, le grand résistant. Alors, qui était un grand ethnologue, c'est le musée de l'homme. Et lui, pareil, il disait, en parlant du lumineux, etc. Bah, à ce moment-là, le saint chrétien et le chaman, bon, ils éprouvent la même expérience. Et il n'y a pas des cultures ou des religions qui soient inférieures et d'autres qui soient supérieures. La leçon des Inuits, entre autres, c'est celle-là. C'est celle-là, apprendre avec les sens, apprendre avec cette forme de poésie aussi de la matière. Essayer de s'émouvoir face à la grandeur de cette nature qui est immense, qui est dure, qui est primordiale. C'est, au fond, essayer de retrouver un peu le temps des origines aussi. Oui, c'est-à-dire que dans, chez Mallory, il y a cette dimension intégrée, hein, qui est l'approche sensorielle, et puis intégrer cette sorte d'intuition que Jean Mallory appellera ensuite la pression, s'inspirer après avoir rencontré les Inuits. Jan Borm, en 1990, il dirige la première expédition franco-soviétique et à cette occasion, il découvre l'allée des baleines, un haut lieu de chamanisme. Oui, tout à fait. Il faut savoir que Mallory a été nommé en 1957 donc à l'école pratique des hautes études en tant qu'un des tout premiers à l'âge de 35 ans sans avoir soutenu sa thèse, c'est du jamais vu. Et dès 57, il a reçu les félicitations de l'Institut Arctique et Antarctique de Leningrad à l'époque. Et il a demandé à son directeur Fernand Braudel qu'est-ce que je vais en faire, j'ai une invitation pour y aller. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et Braudel lui a dit, il faut pas hésiter, il faut y aller. Et en fait, il a pu se rendre en Union soviétique régulièrement, mais jamais pour aller jusque dans l'Extrême-Orient, qui était interdit d'accès aux chercheurs occidentaux. Donc, il a pu aller jusqu'à Yakoutsk. Et j'ai rencontré des collègues qui l'ont écouté en tant qu'étudiant, en 1973 notamment, c'est très émouvant. On voyait ce monsieur venir de l'Ouest avec un regard différent, avec des cheveux longs, un jean décontracté, on ne connaissait pas ça à l'université chez nous, et donc ils en gardent un souvenir ému. Et en 90, après un très important discours de Gorbatchev à Murmansk, où il annonçait l'ouverture de l'Arctique à la recherche, vous voyez, nous sommes actuellement à l'opposé, hélas. Après ce discours, il devenait donc possible de partir effectuer des recherches en Tchoukotka. Et comme Mallory connaissait très bien les collègues russes et soviétiques, il a été chargé de cette première expédition dans l'Allée des Baleines, qui est donc un lieu sacré, hautement symbolique, où vous trouvez des alignements d'ossements, de baleines, des crânes de baleines, etc., qui a été étudié avec son ami, le grand archéologue Arutyunov, Sergueï Arutyunov, qui était venu à Paris en 2007 pour le congrès. D'ailleurs, Jean Mallory a publié en 2003 L'Allée des Baleines dans la collection de Poche Mille et Une Nuits, une sorte de poème tellurique, une sorte de cosmogonie. Jean Mallory a épousé la cause des Inuits jusqu'à devenir leur porte-parole et leur ambassadeur. Quels sont les principaux messages d'alerte qu'il véhicule concernant les pôles? On y vient dans quelques instants. Thank you. Polka de Chapelier Fou en direct sur France Culture avec nos deux invités aujourd'hui, Giulia Boglio-Bruna, anthropo-géographe et ethno-historienne, ancienne membre du Centre d'études arctiques fondé par Jean Mallory en 1957 et membre de la Société de géographie française et de la Société de géographie italienne. Notre deuxième invité, Yann Borm, professeur de littérature anglaise à l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, directeur de l'Institut de recherche arctique Jean Mallory, fondé avec Jean Mallory lui-même. Aujourd'hui, nous rendons hommage à Jean Mallory. J'adresserai un message par-delà les airs à mes amis Inuits. Hainak Inuit! Izumalior Ponga, Ushlumi, Noanor Ponga. Je dis salut, peuple Inuit. Aujourd'hui, je crois que j'ai l'âme en paix. Voilà, Jean Mallory au micro de Nicolas Martin en 2016 sur notre antenne pour l'émission La Méthode Scientifique. Giulia Boglio-Bruna, ce qu'on n'a pas encore dit dans cette émission, c'est que Jean Mallory s'était converti à l'animisme. On parlait de la découverte de l'allée des baleines il y a quelques instants. Oui. Alors, de la pierre à l'homme, de l'homme au cosmos, c'était la formule qu'il utilisait pour raconter ce voyage initiatique. Mallory, il était attentif à la parole du silence. Il traquait l'énergie de la matière et le bruissement du sens. Ainsi, il est passé de l'étude de la pierre ou jarak à l'étude de l'homme, l'inouk, de l'intelligence de l'âme, des questionnements existentiels, etc., à l'intelligence du cosmos. Or, dans le haut lieu, c'est l'allée des baleines. Je dirais que c'est le moment où il y a cette épiphanie, il y a cette révélation. Et dans le rapport aux Inuits, il y a eu le rapport très important, qui lui a permis, cette relation lui a permis d'avoir une connaissance autre du monde, de la nature, mais une forme aussi d'autoconnaissance. Par l'intermédiaire de ces Inuits animistes qui lui expliquent leur rite, leur vision du monde, Mallory arrive à capter, dira-t-il, quelques notes de l'harmonie secrète de l'univers. Et c'est l'allée des baleines. Et je préfère donner la parole à Mallory, parce qu'elle est une parole rare, d'une rare beauté, d'une rare force, qui m'émeut beaucoup. Je n'ai pas les qualités de votre lectrice, pardonnez-moi. J'écoute l'air. L'environnement, c'est l'allée des baleines, imprègne la pensée, il la génère, la structure. L'espace a une présence physique, il est habité. L'aigle continue à voler. Il décrit de larges cercles et se rapproche. Des baleines blanches bondissent en groupe et plongent avec grâce. Et là, dans le déferlement des vagues et le vent du détroit, je me laisse porter par le chant cosmique. Dans ce haut lieu qu'est l'allée des baleines, où se réalise l'union des mystiques, des opposés, Mallory parvient à une intelligence intime de ce qu'il appellera l'horloge céleste et des principes d'équilibre de la nature qui visent à l'organisation conservatoire du tout. Là où tout est symbole et le rite omniprésent, le géophilosophe fait l'éloge de la connaturalité entre l'esprit de la nature et les natura naturate, c'est-à-dire les hommes. Merci pour votre lecture. On entendait Mallory parler Inuit il y a quelques instants. Ethnologue, géographe, explorateur. Yann Borm, Jean Mallory a aussi beaucoup, enfin, il a eu une influence très importante sur le plan international. Oui, tout à fait. D'abord, il a reçu beaucoup de distinctions qui témoignent de l'importance de son œuvre. Il faut rappeler que Le Dernier Roi Tulé est le livre le plus diffusé au monde sur le Groenland au XXe siècle, avec une vingtaine de traductions, dont deux en anglais. C'est du luxe qu'on retraduise une œuvre en traduction anglaise. Et c'est pour cette raison, peut-être entre autres, qu'il a reçu la Gold Medal de la Royal Geographical Society à Londres. C'est très prestigieux, c'est avec le patronage royal de la reine. Il a reçu le Nersornat, qui est la médaille d'or du gouvernement groenlandais, donc en reconnaissance. Et croyez-moi, on me l'a dit récemment, elle est rarement donnée à des personnalités non groenlandaises. Donc c'est une distinction tout à fait exceptionnelle, dont il était très fier d'ailleurs. Mais il y a une influence peut-être plus subtile, mais très importante. qui est celle du rassembleur, donc ces congrès qu'on a déjà évoqués au passage, au début des années 70, à la fin des années 60 et au début des années 70, ont été l'occasion d'une prise de conscience entre Inuits des différentes régions arctiques qui faisaient un et qui a conduit donc à la fondation de l'Inuit Second Polar Council, qui est l'organisation qui regroupe tous les Inuits. J'ai été récemment en contact aussi avec des Samis, donc on dit Lapons en français d'habitude, les Samis du nord de l'Europe, et qui m'ont dit qu'il a joué un rôle tout à fait important en invitant des personnalités en France pour leur permettre de s'exprimer. Et troisième élément peut-être important également, le Centre d'études arctiques qui fonda donc à l'école pratique en 1957, si jamais vos auditeurs hésitent, l'école pratique des hautes études, sixième section, est devenue l'école des hautes études en sciences sociales, voilà, parce qu'on dit toujours qu'il est directeur d'études à l'IHSS, mais en fait c'était l'école pratique à l'époque. Donc ce centre d'études arctiques a servi de modèle pour le célèbre centre arctique de l'Université de Laponie à Rovaniemi, vous pouvez le lire dans leur statut. On a dit qu'on voulait créer un centre interdisciplinaire dans l'esprit malorienne. Donc ça, c'est, je pense, une preuve très concrète. Et puis, il y a la Russie. Il y a l'Académie polaire d'État qui l'a créée avec le président Chirac et les autorités russes à Saint-Pétersbourg qui continuent à exister. Et puis, 2007, il est nommé ambassadeur de bonne volonté pour les régions arctiques à l'UNESCO. Tout à fait. Où il a été invité à présider le premier congrès international pour l'Arctique. Et en fait, il constatait depuis les années 70, hein, les effets désastreux du réchauffement climatique sur les équilibres environnementaux, socio-économiques et politiques des habitants du Groenland. Oui, tout à fait. On l'a entendu tout à l'heure dans l'archive. Il était visionnaire par rapport à ça. Bon, il était extrêmement bien renseigné puisqu'il a passé du temps sur place. C'était un vrai expert circumpolaire. Ce qui n'est pas facile à être, si vous voulez, l'Arctique étant vaste. Donc, il a vu très vite à quoi conduisaient les politiques désastreuses des autorités danoises, mais américaines et canadiennes également. Bon, vous lisez la presse. En Alaska, nous avons un grave problème de perte d'identité, effectivement. Il y a du renouveau, heureusement, mais vous avez... un problème au niveau de la langue notamment et de l'enseignement qui s'appuie sur ce qu'on enseigne aux Américains, aux États-Unis, c'est-à-dire les populations autochtones de l'Alaska notamment disent que cet enseignement n'est pas pertinent du point de vue culturel. Et donc ils ont du mal à s'associer avec ce qu'on leur enseigne, c'est pareil au Canada. Où toutefois maintenant on a un renouveau extraordinaire, notamment chez les Inuits, le peuple qu'on appelait les Montagnais, où nous avons un certain nombre de poètes maintenant magnifiques, des femmes d'ailleurs, et où on voit un renouveau extraordinaire, un essor de la littérature. Voilà. Et si vous permettez un petit mot sur le centre d'études arctiques, c'est fondamental, parce que chez Mallory, la devise c'est penser et agir, et agokodagis, mais créer. L'important, c'est la création. Et la création du Centre d'études arctiques, c'est l'enseignement d'un maillotte, de quelqu'un qui comprend vite les potentialités du disciple et qui, en même temps, il dit « je suis un enseignant enseigné » parce qu'il a il a la modestie de dire, et l'intelligence de dire « j'apprends de l'autre », qu'il s'agisse d'un grand collègue ou qu'il s'agisse d'un étudiant. On voit hein, que comment, dans tout ce que vous dites, hein, comment Jean Mallory était quelqu'un qui a su transmettre, qui a dit, d'ailleurs, la pédagogie universitaire m'a fait souffrir, la pédagogie est une science. Et d'ailleurs, à propos de pédagogie et de transmission, toujours sur cette question, vous évoquiez Les Derniers Rois de Tulé. C'est avec ce livre qu'il devient célèbre. C'est une référence pionnière de la vulgarisation ethnographique, ça se lit comme un roman. Et c'est avec ce succès que son éditeur, Charles Orango, accepte l'idée de Mallory de créer une collection culte baptisée Terre humaine. Eh bien, en créant cette collection Terre humaine aux éditions Plon, j'ai cherché avec un certain nombre d'amis à répondre à un vœu du public qui attend essentiellement de l'observateur, du voyageur, un témoignage irrécusable, un témoignage de sérieux, un témoignage de savant. J'ai également pensé qu'il était bon de répondre aux vœux d'un grand public, d'un large public, qui cherche à trouver dans ses ouvrages de savants des ouvrages qui lui soient accessibles. Qu'est-ce que vous entendez par le sérieux et l'honnêteté du voyageur? Pourriez-vous nous donner un exemple de où commence le sérieux? Eh bien, le sérieux commence par l'approche même de cette population, et cette approche ne peut être faite de façon valable que si l'observateur, l'ethnographe, le géographe sait la langue de cette population. J'ai tenté, dans cet ouvrage intitulé « Les derniers rois de Thulé », j'ai tenté de définir, de situer la position de ce petit groupe d'hommes, les Esquimaux polaires, qui habitent la région la plus septentrionale du monde. Ils sont combien ? Ils sont 300. Et vous aviez appris leur langue, bien entendu. J'ai dû l'apprendre, j'ai dû m'adapter au dialecte de Thulé, qui est légèrement différent, et au cours d'un hivernage, solitaire, je crois que c'est la bonne façon pour pénétrer dans l'intimité d'une population archaïque, j'ai pu observer ces gens dans leurs coutumes quotidiennes. Giulia Bogliolo-Bruna, quel était l'objectif de cette collection, Terminano? Alors, déjà, c'était un deuxième acte de résistance. Quand il voit la base nucléaire américaine de Thulé, alors il réagit en rentrant en France, il décide de témoigner. Donc, il n'avait pas la force des États-Unis, il n'avait pas la force de la Chine militaire, vous comprenez. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi, en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, en tant qu'humaniste, je pense, je témoigne, c'est-à-dire je pense et je crée. Et je crée quoi? Une collection qui est Terre humaine et qui démarre par ce livre qui est unique, c'est le grand classique « Les derniers rois de Thulé », le plus vendu au monde sur les Inuits, où il témoigne de son expérience, soit du point de vue de sa recherche, de la rencontre avec les Inuits, et surtout il dénonce le fait que les Inuits ont été confrontés d'une façon dramatique à l'ère nucléaire, qu'ils ont été après déplacés dans le Grand Nord. Et donc, Terre humaine, c'est une collection d'anthropologie narrative et réflexive. Mallory dit, on utilisera le jeu. Et c'est un jeu qui s'assume. Et là, il sera novateur parce que, à l'époque, on parlait de objectivité, la neutralité de l'observateur, qui est tout à fait fictive, tandis que il fallait témoigner avec ses tripes, écrire. L'écriture doit être une écriture incarnée, des dénonciations. C'est l'homme engagé, c'est l'homme, j'ai dit moi, de la Renaissance humaniste, voilà, et des Lumières. Rétablir cette part de sensibilité première, cette vérité du jeu. Alors dans un de ses derniers ouvrages, Crépuscule Arctique, Jean Mallory expose des pastels qu'il a réalisés dans ses géographies arctiques. On les découvre avec vous, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour, Natacha. Vous êtes allée rencontrer son éditeur, Elviso, qui a fait de ces fragments artistiques des mémoires où on découvre d'autres dimensions de ce grand savant. Oui, avec Nicolas Newman qui m'a raconté la genèse de cet opus hybride à la fois mémoire et œuvre d'art. Crépuscules arctiques, cet instant clé du passage, témoigne de ses expériences plus sensorielles. Au long de 40 pastels légendés, on vogue ainsi entre ciel et terre, variant autour du noir de ces paysages exotiques, oniriques et quasi surréalistes qui nous dévoilent aussi sa pensée foisonnante, scientifique, sensible et poétique. Pour moi, Jean Mallory, évidemment, c'est certainement d'abord un scientifique, c'est sa formation, mais toute sa pensée, en tout cas celle que j'ai rencontrée, est celle d'un poète, d'une sensibilité extraordinaire à la nature, au paysage, à la géographie, aux plantes, aux animaux. Au ciel aussi. Au ciel, à l'obscurité. Dans son texte, il l'a très très bien défini, tous ces différents noirs. Les cinq noirs absolument qui sont ces différents crépuscules et qui pour lui ne sont pas la mort, ne sont pas la fin, c'est une autre dimension. Au point d'ailleurs que je lui avais dit, et l'idée l'amusait beaucoup, hein, je lui ai dit, ça serait formidable que l'on puisse faire une rencontre entre vous et Pierre Soulages. Parce que vous êtes chacun à votre façon des maîtres du noir. En tout cas, il évoque dans ses mémoires la potentielle rencontre avec Soulages et même d'autres peintres surréalistes. Parce que dans le surréalisme, il y a quelque chose qui touche à l'animisme dont il était très imprégné. Oui, et il évoque d'ailleurs la façon dont Roger Caillois avait voulu le rapprocher d'André Breton du surréalisme, mais il n'était pas homme de mouvement. Je pense que ce n'était pas sa manière d'envisager la réflexion, la pensée et l'action. Oui, il aimait bien ne pas étiqueter la pensée, ne pas la soumettre à une grille de lecture très rationnelle et analytique. Oui, ce qui est curieux pour un scientifique au départ, parce qu'un géomorphologue, on n'imagine pas que ce soit à la base essentiellement un poète, mais parce que pour moi c'est un poète, la manière dont il écrit, la manière dont il pense, c'est extraordinairement poétique comme la manière dont il philosophe. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il aime tellement Nietzsche, qui est quand même un des philosophes le plus poète qu'il soit, et la passion qu'il avait donc pour les animaux. On pourrait se pencher sur quelques pastels pour apprécier ces couleurs, justement. Et il décrit à un moment donné ça, comme il se saisit du papier avec son grain et de ses craies de couleur, et comment il est saisi, voire dicté par la couleur. Alors, c'est d'abord une chose très sensorielle. Qui m'a beaucoup intrigué. C'est la première question que je lui ai posée. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui vous a pris, d'une certaine façon, de faire des pastels? Et pour faire des pastels en Arctique, il n'y a pas de magasin sénelier en Arctique, donc il faut partir avec... Il faut être équipé, il faut partir avec du matériel. Et puis dessiner dans ces conditions, il faut le rappeler. Et alors, première chose, il me dit, je ne suis pas frileux. Je veux bien, mais enfin quand même, il me dit, mais c'est une force que j'ai. Il décrit la sensation du froid sur ses cartilages, la peau, oui, les gestes des doigts. Mais quand même, il y a cette photo absolument magnifique, cet extrait de photo en 97, il me semble. Alors, c'est une photo que j'aime énormément parce que elle a été prise par Bruce Jackson. Et alors là, c'est très précis. Alors, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est qu'on voit qu'en fait, on est à l'aube et non pas au crépuscule, il me semble. Celle-ci est à 5h du matin, donc c'est un pastel de l'aube se levant sur les glaces de Bering. Et ce que j'ai souhaité avec Jean Mallory, je lui ai demandé, mais Jean, est-ce qu'il est possible de situer les pastels? Parce que un livre de 40 pastels, c'est très beau, mais c'est exactement le genre de livre que je n'aime pas faire. C'est-à-dire un livre uniquement illustré, sans texte, sans document, des indications sur les œuvres. Alors, ce qu'il donne... Par exemple, là. Là, sur la mer glacée, entre Siorapaluk et Tulé, vers 3h du matin, février 1951, mon espace d'initiation, air sec, sans brume, nombreuses étoiles autour de la lune. Vous avez une lune dans la partie supérieure, pas totalement blanche, avec un pourtour orangé, et un peu au-dessus du tiers inférieur, une sorte de ligne d'horizon brumeuse. Et au-dessus, c'est noir, bleu noir sombre, et en dessous de cette ligne, c'est un bleu foncé, mais qui se différencie vraiment, d'autant plus à cette sorte de ligne d'horizon blanchâtre, de la partie supérieure. Ça, c'est un dessin que je voulais, un pastel, pardon, je voulais le prendre en couverture parce que toute la partie inférieure est d'un noir magnifique et la partie supérieure est très claire avec un très beau bleu turquoise, très lumineux également, et après un dégradé avec un peu de vert kaki et qui va vers la violine. Et là, mais il dit, pas du tout, c'est pas ça qu'il faut, il me dit, moi c'est le noir, noir, noir. À travers ces crépuscules arctiques, on découvre cette part d'animisme chez Jean Mallory. C'était un scientifique rigoureux, analytique, mais pas que. Il était pris dans une sensorialité qui n'était pas cosmétique, mais qui l'a amené vraiment soit à des découvertes, soit à comprendre qui il était au Groenland. Il y a cette façon, il s'est révélé à lui-même et il a découvert les plantes, il a découvert les animaux, il a découvert toute cette... sensualité des paysages. Et je pense que ça a déclenché son, c'est peut-être pas le bon terme, mais sa conversion à l'animisme. Ça vient évidemment de sa proximité avec les Inuits, mais il le dit dans le livre. Ces 40 pastels de la nuit polaire témoignent que je suis devenu profondément animiste. Arthur Rimbaud disait « Je comprends, et ne sachant m'expliquer sans paroles païennes, je voudrais me taire. Non, L'expérience vécue est trop forte pour que je me taise devant ces musées de l'homme. Les parlers prélinguistiques impliquent l'introduction du sensoriel dans les premiers rapports entre l'homme, la nature minérale et végétale et le monde animal. La représentation d'une chasse au tigre sur les parois des grottes de Charvet par les ongles acérés du prélinguiste, notre ancêtre, ouvre tout un champ de pensée. Merci Céline Lozen pour ce reportage. On arrive à la toute fin de cette émission. Giulia Boglio-Bruna, un mot sur les pastels? Un tout petit mot. Alors, ils sont magnifiques, superbes et très émouvants. Et je dirais que c'est des pastels métaphysiques. Or, le Grand Nord, c'est une immanence transcendante. Comment la transcrire? Comment saisir l'instant fugitif? Et en même temps, en gardant encore la matérialité, et c'est le pastel. Jean-Mallory malaxe la pierre, mais aussi le pastel. Et alors là, il y a cette nostalgie de l'infini, le vertige aussi de l'illimité, et l'envie, avec une force dramaturgique importante dans les pastels, de matérialiser la plénitude de cet instant qui sont si brefs et fugitif. Et je le cite, comme les Inuits, je pense que la vie est une grâce qui nous inscrit de par la naissance dans une dimension surnaturelle, le fini, dans l'infini. Yann Borne, vous souhaitiez, pour conclure, revenir aussi sur ces mémoires. Oui, merci. Voilà, j'invite tous les lecteurs à se plonger dans cet ouvrage magnifique de la pierre à l'âme. Sur la couverture duquel figure le portrait de Jean Mallory, un loup en hommage au chien groenlandais, c'est choriste comme il disait, quand il se retrouvait dans la nuit polaire, il était là, et les choristes, les chiens lui donnaient la réplique, il disait. On voit bien son sens de la dramaturgie, et ce qui est tout à fait impressionnant dans ce livre, c'est qu'il revient sans cesse sur son itinéraire, il s'interroge sur lui-même. Il s'interroge sur les disciplines académiques, il est géomorphologue de formation, donc il a une espèce de suspicion des sciences humaines et sociales, quelque part, tout en les pratiquant. Et ce qu'il dit toujours, c'est que au bout du compte, y compris mon propre itinéraire, ce n'est jamais regardé d'assez près. Il faut toujours revenir sur son itinéraire, sur sa pensée, sur son écriture. Il s'est fait relire tout le temps. Il disait, on peut toujours améliorer un texte. Et je trouve là une leçon extraordinaire d'humilité et un univers fantastique à découvrir. Eh bien, merci à tous les deux pour vos témoignages. Dans quelques instants, on va complètement changer de sujet avec la chronique Avec Science. Mais avant ça, j'invite nos auditeurs à prolonger cette écoute avec quelques lectures. Votre ouvrage, Giulia Boglio-Bruna, Jean Mallory, une énergie créatrice, paru en 2012 chez Dunod. Et les vôtres, Yann Borne, Jean Mallory, un homme singulier, aux éditions Chêne en 2005. Et vous avez également co-dirigé en 2021 aux éditions de Lerne, Cahier de Jean Mallory. Puis surtout, je vous invite tous à lire et à relire l'ouvrage de Jean Mallory, Les derniers rois de Tulé. Il est temps à présent de retrouver Alexandra Delbeau. C'est la chronique Avec Science aujourd'hui, le repas des fourmis. Comment les fourmis se protègent-elles des parasites? Ce sont des cibles de choix parce qu'elles ont une forte vie sociale. Elles sont toutes collées les unes contre les autres dans leur colonie. Et comme les maladies, ces parasites se propagent et vivent grâce à la promiscuité de leurs hôtes. Ils sont très divers et peuvent être classés, par exemple, en fonction de leur façon d'infecter celui qui les héberge. Les poux, les puces, les fameuses punaises de lit ou les tiques restent sur la peau, alors que d'autres pénètrent dans l'organisme, comme les vers, le ténia, Plasmodium, l'agent du paludisme, le VIH ou même le SARS-CoV-2. Il y a aussi, on l'oublie souvent, de nombreuses infections fongiques. Des infections à champignons, le plus connu d'entre eux, c'est certainement Ophiocordyceps, personnage principal de la série The Last of Us. Il est loin d'être le seul, mais on connaît encore mal les parasites parce qu'ils sont difficiles à étudier. Par définition, le parasite ne se développe que chez son hôte. Pour contourner cela, ces scientifiques ont étudié un parasite généraliste des fourmis, facilement manipulable et cultivable en laboratoire. Audrey Dussutour est directrice de recherche CNRS au Centre de recherche sur la cognition animale à l'Université Toulouse 3 et co-autrice de cette nouvelle étude parue dans Current Biology. habituellement, les parasites, c'est très difficile de les élever en dehors de leur hôte, parce qu'ils sont dépendants de leur hôte. Et nous, dans notre étude, on étudie un champignon qui est généraliste, qui s'appelle Metarhizium, qui est beaucoup étudié parce qu'en fait, il est utilisé comme un moyen de lutter contre les insectes, parce qu'il n'est pas du tout spécialiste des fourmis. Il s'attaque à tous les insectes. Et par exemple, on l'utilise pour lutter contre les termites. Et l'avantage de Metarhizium, c'est que c'est un parasite qu'on a appris à élever en laboratoire dans des boîtes de pétri. Ce qui est extrêmement pratique, ce qui a permis dans cette étude, d'un côté, de regarder les besoins nutritionnels du parasite, de son hôte et de son hôte infecté par le parasite. Notre but était de voir comment en fait l'hôte modifie en fait ses besoins nutritionnels, la façon dont il va aller récolter de la nourriture s'il est infecté. Et donc pour cela, on voulait absolument savoir quels étaient les besoins du parasite, pour savoir si c'était le parasite qui orientait l'hôte lors de sa récolte alimentaire ou à l'inverse, si c'était l'hôte qui cherchait à se débarrasser du parasite en mangeant différemment. Quand Metarhizium, ce champignon parasite, pénètre la cuticule de la fourmi, il va prélever des nutriments dans l'équivalent de son sang. Ces nutriments vont donc nécessairement manquer à l'hôte. Mais quels sont-ils? Quels nutriments vont ainsi être ponctionnés? Première étape de cette étude, établir qui mange quoi pour comprendre ce qui va manquer aux fourmis ou aux parasites. Les fourmis d'Argentine, l'espèce qui est étudiée ici, a plutôt le bec sucré, alors que le régime alimentaire favori de ce champignon sont les acides aminés. Or, quand la fourmi est infectée, elle se met à manger des acides aminés en quantité. Et c'est un problème car ils sont toxiques pour la fourmi. Alors, que se passe-t-il? Qui de la fourmi ou du champignon décide du menu et pourquoi? Finalement, si la fourmi infectée ne souffre pas d'un excès d'acides aminés, c'est qu'elle les utilise, ces acides aminés. Et donc l'hypothèse, c'est qu'elle les utilisait pour lutter contre le parasite. Donc ensuite, on a fait une expérience où on a pris des colonies infectées et on leur a donné le choix. C'est un pont en forme d'Y où on pose les deux sources de nourriture. Et là, on a vu que les fourmis non infectées, elles se dirigeaient toutes vers le sucre, ce qui était logique. Par contre, les fourmis infectées, elles faisaient un choix net. Elles préféraient vraiment le régime riche en acides aminés. Alors là, quand on était face à ce résultat, on s'est dit, ben mince, alors est-ce que la fourmi, entre guillemets, décide d'aller vers ce régime ou est-ce que le champignon derrière, il est aux manettes et lui, il a besoin d'acides aminés, il dit, hey, allez vers les acides aminés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté des parasites en fait inactifs, donc c'est des cellules de champignons inactives, qui vont déclencher une réponse immunitaire, mais qui ne vont pas créer une infection comme avec un parasite. Et là, on a vu que même les fourmis auxquelles on avait injecté en fait des parasites inertes allaient vers les acides aminés. Donc c'était un choix de la fourmi, et pas du tout quelque chose qui était guidé par le parasite. Donc les fourmis, elles allaient chercher les acides aminés pour pouvoir en fait produire une réponse immunitaire face à ce parasite. C'est donc la fourmi qui décide et c'est une forme d'automédication. On connaissait les fourmis qui manipulent individuellement les antibiotiques des champignons. Cette fois, c'est une preuve d'automédication collective par la nourriture. Changer leur alimentation vers un régime délétère chez les sujets sains leur permet, quand elles sont malades, de ne pas succomber à l'infection. La prochaine étape de ces travaux, c'est de suivre sur la durée ce parasitisme pour étudier si, une fois que l'infection est contrôlée, la fourmi bascule à nouveau son régime alimentaire vers plus de sucre et se débarrasse définitivement du champignon. Merci Alexandra pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute. Merci à toute l'équipe de la science CQFD, Antoine Beauchamp, Noémie Eliazor, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Alexandre Morales, Bruno Sonsini, Céline Lausanne. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Dalia. Vous pouvez nous écouter partout à toute heure, en podcast sur le site franceculture.fr ou sur l'appli Radio France. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.